Mon frère, raconte-moi ta maison. Je vais oublier la prison. Un grand bateau m'importera très loin cette nuit. Mon frère, raconte-moi ta famille. Je vais oublier mon exil et mon sommeil sera plein de parents et d'amis. Frère, pour que le temps me soit moins long. Frère, pour que j'oublie cette prison. Frère, raconte-moi encore ta maison. Mon frère, raconte-moi tes deux sœurs. Sont-elles libres de leur cœur? Dis, montre-moi la photo prise au fond du jardin. Mon frère, raconte-moi les oiseaux. Je vais oublier les barreaux. La liberté nous ouvrira les yeux demain matin. Frère, pour que le temps ne soit moins long. Frère, pour que j'oublie cette prison. Frère, raconte-moi encore ta maison. Le jour est loin, le jour est loin. Mon frère, raconte-moi ta maison.